Bienvenue à cette édition internationale du carnet 20 000 lieues sous techno. Je m'appelle Victor et l'émission débute maintenant. Avant de débuter cette édition du carnet 20 000 lieues sous techno, je veux vous mentionner que dorénavant, vous allez pouvoir les télécharger à partir de iTunes. Un lien sera disponible sur mon blog et même sur Facebook. Pour cette édition internationale, le carnet 20 000 lieues sous techno sera une émission très spéciale. Elle va être constituée de petits flashs coquins. Saviez-vous que le ver de terre est un animal hermaphrodite? Et chaque individu comporte simultanément l'organe mâle et femelle. Les lombrics, donc de la famille des vers, n'ont pas de yeux ni de dents, mais par contre, ils possèdent 4 cœurs et 3 paires de reins. C'est aussi la même chose pour les parasites humains, le ver solitaire. Ce qui veut dire qu'il en prend seulement qu'un pour en faire des milliers. Les compagnies canadiennes seront obligées de déverrouiller leur téléphone cellulaire sur leur réseau, car la loi C-560 va être déposée au Parlement pour enfin libérer les citoyens canadiens. Une excellente initiative pour diminuer les déchets technologiques et un très bon et très bon pour l'environnement aussi. Car la plupart des Canadiens jettent leur téléphone quand ils changent de compagnie. En mars 2007, quand le transfert des numéros était à son plus haut niveau de popularité, il s'est jeté 22 millions de téléphones cellulaires inutilement. Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale internationale du carnet 20 000 lieues sous techno. Comme René Lévesque a déjà dit dans le passé, à la prochaine fois! Thank you.